À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les délégations du Parti travailliste mexicain, de l'Union de la jeunesse communiste Lénine de la Fédération de Russie, des étudiants coréens au Japon et autres hôtes étrangers et compatriotes coréens d'outre-mer ont visité le 9 Coron, le palais du soleil de Kumsusan, pour formuler leur hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il. Par ailleurs, le même jour, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste et ses membres l'ont visité également pour leur rendre hommage.